c'est la poésie du rap. Yeah. De plus en France, c'est l'époque Panta Zoulou et ce depuis la petite enfance. Charmante convalescence, avec mes potes on pompe l'essence. Pour les cocktails explosifs, c'est la bonne adolescence. On veut faire brûler la ville, et ce par inconscience. On aurait trop fait de mal, je repense à mon insouciance. Du fait que mes paroles deviennent des lignes blanches, je veux tracer mon chemin et déposer à terre les planches. Un surpoids de surprise m'entraîne à décorer les murs. Je me réveille un matin au milieu de ma cellule. L'inquiétude rude cause à ceux qui me perturbent. Le truc est trouvé, j'écris toute mon étude. Des paroles de rap, bientôt je serai sur iTunes. Mon rêve et mon plaisir, je ne veux pas faire de thunes. MC écoute, Torca c'est l'amertume. Si mon CD est dans les packs, c'est pour l'amour de ma plume. Yeah, Torca, ouais. C'est la poésie du rap. C'est la poésie du rap, Torca, ouais. C'est la poésie du rap, ça. C'est la poésie du rap, ça. Ça fait déjà pas mal de temps que j'écris des textes. Déjà pas mal de temps que les pensées perturbent ma tête. Je rate mes entretiens, depuis j'ai plus de projets. J'oublie les occasions, car il y a rien de concret. Sans thune et dans mon monde en décalage. Mes collages se ressemblent, je pollue la terre du haut d'un nuage. Comment continuer, rester rappé dans mon délire. Lire mes condamnations, surveiller, écrire mes délits. La zik fut mon déclic, fournir avec un mic à la bouche. Les jaloux lancent des pics, depuis que je les couche. Plus rien ne va, ça fait de piches que je l'éprouve. Avant je cherchais mes mots, maintenant je les trouve. Avant je montrais le bien, maintenant je le couvre. Avant je marchais, et maintenant moi je cours. Entre les buts et les amis, faut faire le tri, je te promets. S'éloigner des profiteurs et des erreurs que tu commets. Yeah, Torca, c'est la poésie du rap. C'est la poésie du rap. C'est la poésie du rap, ça. Torca, c'est la poésie du rap. C'est la poésie du rap. Je donnerais bien un peu de caresse contre de l'organisation. Trouver ce qui m'intéresse entre clarté et confusion. Ça me stresse et cette mauvaise situation m'entraîne dans la galère, je ne laisse pas d'occasion. Certains me critiquent et ne croient pas en moi. Les autres créent des histoires sans connaître mon entourage. Ma vie, moi, elle est dramatique. Rapper, c'est de l'automatisme. Fatigue sans traumatisme. Mon encre remplie à bloc comme un chargeur d'automatique. Je change depuis que je réalise. Les jours sont tous pareils, alors je prépare mes valises. Beaucoup sont dans mon cas avec un sursis sur la tête. J'ai dragué l'intolérance, je l'ai connu là où je crèche. Avant de poursuivre, manique, fallait que je te dise. Noie mon chagrin dans la fume et dans la tise. Mon style coule une larme, je l'ai déjà fait moi-même. Entraîné par la misère, je te présente ma vie de merde. Torca, c'est la poésie du rap, ça. C'est la poésie du rap, ça. Torca, c'est la poésie du rap, ça. C'est la poésie du rap, ça. Hey, je voulais remercier tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont toujours été là pour moi. Mon équipe, la famille, tous les proches, ceux qui me soutiennent chaque jour, ceux qui me laissent des petits messages. C'est ça le soutien, la famille, les amis, nique les traîtres et les ennemis. Aïe. Dédicace, Afroskin, commande à dire à Fik. C'est ça, depuis l'époque, depuis l'époque, toujours soutenu, la famille, les amis, nique les traîtres et les ennemis.